Exercice 8, page 140. A. Il est puissant. Transformer. Elle est puissante. B. Il est bruyant. Transformer. Elle est bruyante. C. Il est aimant. Transformer. Elle est aimante. D. Il est patient. Transformer. Elle est patiente. E. Il est présent. Transformer. Elle est présente. F. Il est absent. Transformer. Elle est absente.